los dealers devenus pécho chez Nervi, opérationnel des rues du crime. Appelle-moi banlieusard, sonar ou squatter de square. Le genre de mec qui se couche tard, soir après soir. Appelle-moi centième, face au MC qui fouette. Vite fait, je les vire dans mes affaires, appelle-moi discret. Sur la mesure, y'a mon flow qui est cousu. Trop speed, appelle-moi Yakuza, maintenant y'a quoi cousin. Appelle-moi chien d'allu qui aggrave les crocs. Infidèle avec l'ego, appelle-moi criminel armé d'un micro. J'suis l'homme qui tombe à pic, présent dans les coups fourrés. Appelle si t'as un plan sérieux et pas foireux, sale enfoiré. Appelle-moi grand cœur, envers la famille, appelle-moi rancœur. Si tu la touches, mitraille dans le mille. Au microphone, j'apporte l'asphyxie. Appelle-moi l'MC, NEH originaire de Tchad. Car la crie dans l'ombre, NEH, j'viens poser une bombe. Fusil sur les temps, j'suis hardcore et sur les temps. Comme si la street elle-même aurait voulu que j'gronde. MC crie dans l'ombre, NEH.